Bonjour à tous et bienvenue sur France Culture pour la quatrième étape de cette grande traversée consacrée à Albert Camus. Albert Camus, la pensée de midi. Alors comme tous les matins de cette semaine, nous vous proposerons dans quelques instants une série d'archives étonnantes où Camus dit son amour de l'Algérie et sa condition d'homme déchiré. Après quoi, c'est avec le grand journaliste Jean Daniel, dont le témoignage s'impose entre tous, que nous évoquerons la figure d'un Camus engagé, déchiré par la guerre d'Algérie, mais également grand danseur et séducteur hors pair. Les curieux événements qui font le sujet de cette chronique se sont produits en 1940 à Oran. De la vie générale, ils n'y étaient pas à leur place, sortant un peu de l'ordinaire. À première vue, Oran est en effet une ville ordinaire et rien de plus qu'une préfecture de la côte algérienne. La cité elle-même, on doit l'avouer, est laide. D'aspect tranquille, il faut quelque temps pour apercevoir ce qui la rend différente de tant d'autres villes commerçantes sous toutes les latitudes. Comment faire imaginer, par exemple, une ville sans pigeons, sans arbres et sans jardins, où l'on ne rencontre ni battement d'ailes ni froissement de feuilles, un lieu neutre pour tout dire. Le changement des saisons ne s'y lit que dans le ciel. Le printemps s'annonce seulement par la qualité de l'air ou par les corbeilles de fleurs que de petits vendeurs amènent des banlieues. C'est un printemps qu'on vend sur les marchés. Pendant l'été, le soleil incendie les maisons trop sèches et couvre les murs d'une cendre grise. On ne peut plus vivre alors que dans l'ombre des volets clos. En automne, c'est au contraire un déluge de boue. Les beaux jours viennent seulement en hiver. Ensuite, place aux archives. Agissez, vous ne risquez pas plus et aurez au moins ce cœur tranquille que les meilleurs des nôtres emportent jusque dans les prisons, écrivait Camus en mars 44 dans Combat clandestin. On dirait un peu du Pascal. Pariez sur Dieu, disait le janséniste. Si vous gagnez, vous gagnez tout. Si vous perdez, vous ne perdez rien. Qu'on parle de Dieu ou qu'on parle du courage, Pascal et Camus savent tous les deux, à leur manière, que la vie est trop courte pour ne pas être irréprochable. La plus grande vertu se gagne de haute lutte, sous un ciel vide, dans un monde en plomb, sous la loi du silence. Nous ne sommes rien, mais ça n'est pas mal du tout. C'est l'occasion donnée d'être vertueux sans principe, courageux sans espoir. La vie n'est rien, la vie ne mérite donc pas qu'on la préserve lâchement et aux dépens des autres. Si l'homme était immortel, il pourrait se payer le luxe du déshonneur. Si l'homme était immortel, l'avarice serait une qualité, l'égoïsme aurait un sens, la haine serait sans conséquence. Si l'homme était immortel, il serait légitimement inhumain. Si nous ne mourions pas, l'athéisme serait une lâcheté et les tortionnaires auraient le droit pour eux. Le journal Combat était peu de chose, mais sans changer le cours de la guerre, il changea au moins le visage de la presse française. C'est le 21 août 1944, après 3 ans d'existence clandestine et dans des conditions infernales, que le premier numéro libre de Combat fut distribué à la criée jusqu'à la rue de Rivoli, portant le numéro 59 en hommage aux années clandestines et avec le titre suivant « L'insurrection fait triompher la République à Paris, les troupes alliées sont à 6 km de la capitale », titre que suivait un éditorial magnifique d'Albert Camus que je vous propose d'entendre maintenant. Il a fallu 5 années de lutte obstinée et silencieuse pour qu'un journal né de l'esprit de résistance, publié sans interruption à travers tous les dangers de la clandestinité, puisse paraître enfin au grand jour dans un Paris libéré de sa honte. Cela ne peut s'écrire sans émotion. Cette joie bouleversée qu'on commence à lire sur le visage des Parisiens est aussi et plus encore peut-être la nôtre. Mais la tâche des hommes de la résistance n'est pas terminée. Il y a eu le temps de l'épreuve et nous en voyons la fin. Il nous est facile de donner son temps à la joie. Elle prend dans nos cœurs la place que pendant 5 années y a tenue l'espérance. Là aussi nous serons fidèles. Mais le temps qui vient maintenant est celui de l'effort en commun. La tâche qui nous attend est d'un tel ordre et d'une telle grandeur qu'elle nous contraint de faire taire le cri de notre joie pour réfléchir aux destinées de ce pays pour lequel nous nous sommes tant battus. Au premier jour de sa parution publique, le dessein des hommes de combat est de dire aussi haut et aussi net que possible ce que 5 années d'entêtement et de vérité leur ont appris sur la grandeur et les faiblesses de la France. Ces années n'ont pas été inutiles. Les Français qui y sont entrés par le simple réflexe d'un honneur humilié en sortent avec une science supérieure qui leur fait mettre désormais au-dessus de tout l'intelligence, le courage et la vérité du cœur humain. Et ils savent que ces exigences d'apparence si générales leur créent des obligations quotidiennes sur le plan moral et politique. Pour tout dire, n'ayant en 1940 qu'une foi, ils ont une politique au sens noble du terme en 1944. Ayant commencé par la résistance, ils veulent en finir par la révolution. Nous ne croyons ni au principe tout fait, ni au plan théorique. C'est dans les jours qui viendront, par nos articles successifs comme par nos actes, que nous définirons le contenu de ce mot révolution. Mais pour le moment, il donne son sens à notre goût de l'énergie et de l'honneur, à notre décision d'en finir avec l'esprit de médiocrité et les puissances d'argent, avec un état social où la classe dirigeante a trahi tous ses devoirs et a manqué à la fois d'intelligence et de cœur. Nous voulons réaliser sans délai une vraie démocratie populaire et ouvrière. Dans cette alliance, la démocratie apportera les principes de la liberté et le peuple, la foi et le courage sans lesquels la liberté n'est rien. Nous pensons que toute politique qui se sépare de la classe ouvrière est vaine. La France sera demain ce que sera sa classe ouvrière. Voilà pourquoi nous voulons obtenir immédiatement la mise en œuvre d'une constitution où la liberté et la justice recouvrent toutes leurs garanties. Les réformes de structure profondes sans lesquelles une politique de liberté est une duperie. La destruction impitoyable des trusts et des puissances d'argent. La définition d'une politique étrangère basée sur l'honneur et la fidélité à tous nos alliés sans exception. Dans l'état actuel des choses, cela s'appelle une révolution. Il est probable qu'elle pourra se faire dans l'ordre et dans le calme. Mais de toute façon, c'est à ce prix seulement que la France reprendra ce pur visage que nous avons aimé et défendu par-dessus tout. Bien des choses dans ce monde bouleversé ne dépendent plus de nous. Mais notre honneur, notre justice, le bonheur des plus humbles d'entre nous, cela nous appartient en propre. Et c'est par la sauvegarde ou la création de ces valeurs, par la destruction sans faiblesse d'institutions et de clans qui se sont attachés à les nier, par l'esprit révolutionnaire issu de la résistance, que nous donnerons au monde et à nous-mêmes l'image et l'exemple d'une nation sauvée de ses pires erreurs, surgissant de 5 années d'humiliations et de sacrifices, avec le jeune visage de la grandeur retrouvée. Le jeune Albert Camus n'a que 25 ans, le jour où Pascal Piat le recrute dans l'équipe de son quotidien, l'Alger Républicain, et le charge en compagnie d'un ancien pasteur de couvrir la totalité des informations algéroises. Camus commençait sa journée de travail vers 16h, faisait la tournée des commissariats de quartier, du palais de justice ou du conseil municipal, et travaillait jusqu'à 23h, le temps de rédiger son papier, de relire les épreuves et d'aider à la mise en page. Il commença par embellir le rapport factuel des événements de la journée, puis il devint très vite critique littéraire, à la tête d'une chronique intitulée « Salon de lecture », dans laquelle il fit ses premières armes sur la nausée de Sartre, les faux monnayeurs de Gide ou l'équinoxe de septembre de Monterland, dont, à l'en croire, le système de vie ne paraîtra ridicule qu'aux impuissants. Mais il n'omit jamais de parler de la pauvreté. « Je n'ai jamais vu une population européenne aussi misérable que cette population arabe. C'est à supprimer cette disproportion et cet excès de pauvreté qu'il faut s'attacher, dit-il. » Dans les reportages illustrés qu'il rédigea sur la misère en Kabylie, Camus ouvrit les yeux de ses lecteurs sur des malheurs qu'il ne soupçonnait pas. La version journalistique du « silence déraisonnable » que le monde oppose à l'appel « humain », c'était en Kabylie le contraste entre la misère des uns et l'incurie des autres. Un jour qu'il revenait du sommet d'une colline qui dominait Tizi Ouzou, Camus écrivit ceci. « Là, nous regardions la nuit tomber, et à cette heure où l'ombre qui descend des montagnes sur cette terre splendide apporte une détente au cœur de l'homme le plus endurci, je savais pourtant qu'il n'y avait pas de prix pour ceux qui, de l'autre côté de la vallée, se réunissaient autour d'une galette de mauvais orge. Je savais aussi qu'il y aurait eu de la douceur à s'abandonner à ce soir si surprenant et si grandiose, mais que cette misère, dont les feux rougeoyaient en face de nous, mettait comme un interdit sur la beauté du monde. » Je vous propose maintenant d'écouter l'écrivain oranais Emmanuel Robles, que Camus avait rencontré pendant l'époque du Théâtre du Travail et qu'il avait ensuite embauché à l'Alger Républicain, raconter comment Camus, facétieux, se moquait des censeurs. Camus savait rire. Il y a un rire de Camus dont il faudrait parler longuement. Il avait un sens de l'humour très, très vif. Le sens du canular également. Vous souvenez-vous d'une de ses farces ? Eh bien, au début de la guerre de 39, c'est-à-dire au mois de décembre, novembre-décembre 1939, j'étais militaire. Camus, vous le savez, était réformé pour raison de santé. Et il est encore rédacteur en chef d'un quotidien d'Alger, qui évidemment devait passer à la censure, puisque c'était la guerre. Et les deux censeurs, les deux malheureux censeurs qui tous les soirs étaient corvés à la salle de rédaction, ont beaucoup souffert des plaisanteries de Camus. Des plaisanteries qui n'étaient jamais méchantes, mais enfin, voici une qui marque ce qu'était l'esprit de Camus, l'esprit de mystification de Camus. Un jour, il avait écrit un éditorial, et c'était un éditorial relativement passe-partout qu'il avait voulu tout à fait anodin. Enfin, une chose que la censure ne pouvait réprimer parce qu'elle était par exemple, je ne me souviens plus exactement, mais elle était par exemple largement anti-hitlérienne, ce qui ne pouvait en rien gêner la censure. Mais il terminait par la déclaration suivante, il faut tuer tous les, et là il avait inventé un mot quelconque, n'est-ce pas, qu'il avait fabriqué sur place, il faut tuer tous les. Alors les censeurs, les deux braves censeurs qui étaient là, naturellement, refusent de demander des explications. Ils étaient très gênés, ils étaient penchés sur les moras et ils avaient lu cet article qui, ma foi, pouvait passer. Mais ce qui les gênait, c'était la déclaration finale, c'était le dernier paragraphe qui comportait là une déclaration extrêmement violente avec un mot qu'ils ne comprenaient pas et qu'ils ne pouvaient comprendre puisque c'était un mot fabriqué, je vous le répète, sur place, de toute pièce. Alors, Camus nous avait mis, évidemment, dans le coup, et nous attendions ses réactions. On voit les censeurs très gênés, qui louchaient vers le bon Larousse qui se trouvait tout près, mais enfin, ils n'osaient pas, et qui perdaient de plus en plus contenance, d'autant plus que Camus était là à leur dire, mais enfin, messieurs, est-ce que s'il n'y a rien, vous savez, le journal va tomber, il faut se dépêcher, etc. Enfin, il était en train de les harceler, et ces pauvres gens étaient de plus en plus ennuyés, faisaient un très long nez. Finalement, ils ont téléphoné au service de presse du gouvernement général. Il y a eu des conciliabules dont nous ne savions rien. Moi, j'étais dans un coin de la salle, mais je me cachais parce que j'étais militaire de deuxième classe et qu'il s'agissait de deux officiers censeurs. J'étais obligé de me cacher. Mais je voyais bien la scène et finalement, nos deux officiers de cavalerie sont partis pour, malgré les protestations malicieuses de Camus, sont partis pour le gouvernement général afin de consulter les grands dictionnaires. Et comme ils ne trouvaient rien dans les dictionnaires, ils ont fait appel à un professeur de la faculté des lettres, lequel professeur est arrivé. Il est arrivé tout de suite, il habitait pas loin d'ailleurs. Et il a regardé ce mot-là, il a dit qui est l'auteur de l'article. On dit c'est Albert Camus. Et il a dit, monsieur, vous êtes victime d'un canular. L'Afrique commence aux Pyrénées, écrit Camus. Voilà pourquoi Robles est deux fois algérien, unissant en lui, comme beaucoup d'entre nous, le sang espagnol et l'énergie berbère. On sait assez que cela donne une race d'hommes qui se sent mal à l'aise en métropole, mais devant qui aussi bien les métropolitains se sentent dans l'inconfort. Il y a, dans les œuvres de Robles, dit Camus, une brutalité, une virilité ostensible et surtout une générosité qui explique leur succès direct et devant lesquels ne pèsent pas lourd les centaines de romans qui se publient chaque année à Paris. Qui ne préférerait, au robinet d'eau tiède d'une certaine littérature, l'oued tantôt sec et pierreux, tantôt déchaîné? Robles, du moins, sait ce qu'il a à dire. Il le sait et il le sent aveuglément dans l'obscurité du sang. L'homme aux prises avec la femme, la tragédie du devoir, la passion jusqu'au sang et tout cela plongé dans une grande et bonne chaleur populaire, ce sont les thèmes d'une œuvre que j'ai vue naître et qui a grandi comme une plante vigoureuse sous les pluies et le soleil africain. Je vous propose d'entendre maintenant une archive de la Tribune de Paris, en date du 1er janvier 1946, qui revient sur les émeutes de Sétif, avec, parmi les participants au débat, un certain Ferhat Abbas. Tribune de Paris. Les hommes, les événements, les idées, à l'ordre du jour. L'élection en raz-de-marée qui a mené à l'Assemblée nationale constituante 12 députés nationalistes musulmans, groupés sous l'étiquette des Amis du Manifeste, constitue une étape importante dans l'évolution du problème algérien. Car il y a un problème algérien. Conquise en 1830, l'Algérie, on le sait, forme 3 départements français. Cependant, dans ces départements où vivent 7 millions d'Arabes pour 1 million d'habitants d'origine européenne, Le droit de vote n'est attribué qu'à certaines catégories seulement de citoyens. Cette particularité trouve sans doute son explication dans la situation politique, religieuse, sociale. Il n'en est pas moins vrai qu'elle crée un malaise qui pourrait croître avec ce qu'on appelle la personnalité algérienne. Malaise auquel contribuent d'ailleurs, depuis la guerre, certaines influences étrangères. S'il y a donc un problème algérien, quelles sont ses données permanentes et comment se présente-t-il aujourd'hui? C'est ce dont vont s'entretenir quatre députés de l'Algérie qui sont en ce moment dans notre studio. Ferhat Abbas, secrétaire général du groupe démocratique des Amis du Manifeste, député de Constantine. Raoul Bora, député maire de Beaune, SFIO. Kadour Sator, député de Constantine, appartenant comme Ferhat Abbas aux Amis du Manifeste. Paul-Émile Viard, doyen de la faculté de droit d'Alger, député MRP d'Alger. François Kilissi du groupe Paysan et Alice Portis du Parti communiste, l'un et l'autre député d'Oran, n'ont pas cru devoir participer à cette émission à laquelle ils avaient été invités. Nous avons également parmi nous Albert Camus, dont les articles sur la question algérienne sont encore dans toutes les mémoires, et notre ami Jean Amrouche, directeur de l'Arche. Paul Guimard va mener le débat. Il y a une première question, messieurs. Y a-t-il un problème algérien? Cette question, nous la posons d'abord à Albert Camus. Eh bien, je suppose que s'il y a un problème algérien, c'est un problème qui dure depuis 116 ans exactement. Et d'autre part, il me semble difficile de nier que ce problème n'existe pas, puisqu'il nous a coûté plusieurs milliers de victimes en mai 1945. Paul-Émile Viard. Eh bien, le problème algérien existe évidemment depuis 116 ans, mais je crois qu'il serait sage de ne pas le centrer sur les événements de l'année dernière, ne serait-ce d'ailleurs que par correction vis-à-vis d'un de nos collègues qui se trouve ici, puisque, vous le savez, une partie de la population algérienne considère, à tort ou à raison, que M. Ferhat Abbas est responsable, dans une certaine mesure, des événements de mai 45. Sans qu'il soit possible de demander actuellement dans quelle mesure M. Abbas est ou n'est pas responsable des événements de mai 45, c'est Jean Amrouche qui intervient. Puis-je vous demander, M. Viard, de préciser pour nos auditeurs et quelle est la partie de cette population algérienne qui tient M. Abbas pour responsable des événements de mai? Bien entendu, je ne veux pas du tout ici faire le procès de l'affaire de mai 45, mais en ce qui concerne cette partie de la population, il est évident que c'est à peu près exclusivement une partie de la population d'origine européenne et que ce n'est pas évidemment l'unanimité non plus. Écoutez, si vous voulez me permettre, je crois que Kadour Sator désire intervenir, je vous en prie. Oui, je désire intervenir parce que je pense qu'il serait bon que M. Viard ou M. Bora, député du premier collège, précise un petit peu leur pensée. On pourrait croire, d'après les dernières paroles, que la population algérienne se divise en deux blocs. Le bloc musulman qui tient pour Ferhat Abbas comme victime des événements de mai 1945, et le bloc européen qui le tient comme responsable. Je ne crois pas que ce soit vrai, et je ne crois pas qu'il soit bon d'ailleurs d'opposer les deux blocs ainsi l'un à l'autre. Alors je demande aux députés du premier collège de préciser un petit peu leur pensée. Raoul Bora. Il y a certainement un malaise algérien, et je me garderai de le centrer sur la personnalité de Ferhat Abbas. Ce malaise est consécutif à la guerre qui nous a coupé de la métropole, qui nous a imposé un gouvernement de trahison et qui nous a plongé dans une misère indescriptible. C'est la misère qui est la cause principale du malaise algérien et les hommes certainement y ont joué un faible rôle. Oui, mais je crois, M. Bora, que la réponse à la question que je voulais poser n'a pas été donnée. Je voulais vous demander si vous estimez qu'en Algérie, il y avait deux blocs, l'un européen, l'autre musulman, l'un tenant Ferhat Abbas pour victime, l'autre le tenant pour innocent. J'ai abordé, mon cher collègue, le fond du problème, n'est-ce pas? Mais je vous réponds très facilement que je ne crois pas qu'il y ait en effet deux blocs hostiles, antagonistes en Algérie. Ce serait un épouvantable malheur que ces blocs un jour puissent s'opposer. Ils n'existent pas. Je pense que nous devrons faire toute la lumière, en effet, sur les lamentables événements du mois de mai 1945, que, par ailleurs, s'il y a eu une blessure dans l'âme algérienne à la suite de ces événements-là, nous devons la guérir et non pas la rouvrir. Et c'est dans cet esprit qu'au cours de la dernière législature, nous avons fait voter par l'unanimité de la Chambre française une loi de large amnistie dont j'ai eu l'honneur d'être le rapporteur à l'Assemblée. Je crois que C'est cet esprit-là qui devrait inspirer tous ceux qui aiment l'Algérie, qui veulent la servir, n'est-ce pas? Unir les deux éléments de la population. Faire à ta passe. Je suis de ceux qui ont toujours revendiqué leur responsabilité. Et lorsque je dis que ni moi, ni mes amis ne sommes responsables des événements du 8 mai, je dis la vérité. Et à ce sujet, je suis venu à Paris pour demander précisément au Parlement d'envoyer une commission d'enquête pour que toute la lumière se fasse autour de ces malheureux événements. L'essentiel, ce que l'amitié des musulmans et des Français d'Algérie soit de nouveau une réalité. La communauté algérienne doit être avant tout une fraternité franco-musulmane. D'ailleurs, effectivement, les événements de mai 45 ne sont qu'une manifestation d'un malaise général. Ils dénotent simplement que ce malaise est profond et peut-être plus grave que nous l'avons cru, mais il serait bon d'essayer de définir les données générales du problème algérien. Et si je me tourne vers Albert Camus? Eh bien, je crois qu'en effet, ces émeutes ne sont qu'un signe, mais c'est un bon signe, ou un mauvais signe, comme on voudra. Mais les éléments du malaise algérien, il me semble qu'on peut les définir de plusieurs façons, mais qu'une des bonnes perspectives pour les aborder serait de reprendre un peu ce qu'a dit M. Bora tout à l'heure, qui attribuait à la misère et, au fond, aux difficultés économiques, la majeure partie de la crise de l'Afrique du Nord. Je crois au contraire que cette crise économique, si elle a joué un rôle très important, n'est cependant que ne représente qu'un aspect de la crise générale et que la crise politique est beaucoup plus importante que la crise économique. Si on arrivait à régler le problème économique, il est bien certain qu'on faciliterait la solution de la crise politique. Il n'empêche pas que le problème politique demeure et c'est lui qu'il faut définir. Je vous en prie. Sur ce point, je suis absolument d'accord avec M. Camus. C'est Paul-Émile Viard qui parle. Je crois en effet que la grande question algérienne est une question politique, au sens noble du mot, bien entendu, que nous nous trouvons en réalité devant un pays qui est en pleine formation, un pays qui démarre, comme je l'ai d'ailleurs souvent écrit. Nous sommes devant un peuple qui a pris conscience de lui-même au contact de la civilisation française, dont il s'inspire d'ailleurs de plus en plus largement, et que tout le problème algérien est en réalité le problème de savoir comment peu à peu ces 7 millions d'Algériens autochtones vont petit à petit s'organiser dans toute la vie française. Voilà comment je considère ce problème. Ferhat Abbas, êtes-vous d'accord avec ce que vient de dire Paul-Émile Viard? Je suis d'accord pour reconnaître qu'il y a un problème politique et un problème économique. Mais nous disons que c'est la solution du problème politique qui amènera avec lui la solution du problème économique. L'Algérie a besoin autant de pain que de réformes de structure portant sur le plan politique. Mais alors, en gros, quelles sont les données de ce problème politique, puisque c'est lui qui conditionne tout le reste, d'après vous? À mon avis, l'Algérie est dans un tournant de l'histoire. J'estime et je crois qu'il serait sage de l'orienter vers ce que nous appelons la politique de la personnalité algérienne. C'est-à-dire que la politique dite de rattachement et d'assimilation qui faisait de l'Algérie uniquement et simplement trois départements français est une politique qui doit disparaître. C'est une simple fiction, car en Algérie, il y a autre chose que trois départements français. Il y a un problème colonial, il y a un problème féodal, il y a un problème politique qui attendent leur solution. Après les manifestations du 1er mai et les événements du 8 mai 1945 en Algérie, le général de Gaulle adressa au gouverneur général de l'Algérie un message limpide qui disait ceci. En attendant que le ravitaillement parvienne en Algérie, le gouvernement, en raison de l'agitation anti-française créée par des éléments indigènes, a adressé au gouverneur général des instructions concernant le maintien de l'ordre dans les trois départements. Le 15 mai, le ministre de l'Intérieur, Tixier, dira dans un communiqué que l'ordre a été rapidement rétabli par les forces de police, assistées de détachements de l'armée et de l'aviation. L'Humanité, du 12 mai, insiste, elle, sur le rôle de fonctionnaire vichiste et fait allusion aux incidents du 1er mai. France Soir, enfin, daté des 13 et 14 mai, publie en une sur quatre colonnes un article d'Yves Gros-Richard, sous ce titre qui dit tout. C'est l'agitateur Ferhat Abbas qui a suscité les troubles d'Algérie. Il dispose de fonds importants et d'armes d'origine mystérieuse. Mais le lendemain, Albert Camus blanchit Ferhat Abbas de son implication dans les insurrections, écrit dans Combat que l'article de France Soir n'apporte aucune preuve de ce qu'il dit et ne sert qu'à justifier une répression aveugle contre le peuple arabe pour lequel il réclame, lui, les principes démocratiques que nous réclamons pour nous-mêmes. France Soir persistera et le 27 juin, à l'occasion d'une dépêche d'agence de presse sur un prétendu complot anti-français en Algérie, signalera qu'il avait été le premier à mettre en cause la dangereuse activité de Ferhat Abbas. Alors que Ferhat Abbas est peut-être ce que le nationalisme algérien a produit de meilleur, en tout cas un nationaliste modéré comme il se désignait lui-même. Enfin Camus répondra à France Soir en disant que c'est la force infinie de la justice et elle seule qui doit nous aider à reconquérir l'Algérie et ses habitants, ce qui lui permettait quand même au passage d'esquiver la question latente de l'indépendance. Je vous propose d'écouter maintenant la suite de l'archive extraite de la Tribune de Paris, dans laquelle Camus évoque ce qu'il appelle la personnalité algérienne. Je dis que cette personnalité existe du fait même, Ferhat Abbas, et il s'agit simplement d'être de bonne foi, que 116 ans de colonisation n'ont pas pu faire de l'Algérie trois départements français. Et que si aujourd'hui un problème algérien existe, c'est que, précisément, cette personnalité a joué à l'insu même des populations musulmanes. Et je dirais à mon ami Bora que c'est nous qui avons raison lorsque nous disons réforme politique d'abord. Parce que, et il le sait aussi bien que moi, si nous ne réformons pas le gouvernement général, si nous ne réformons pas les assemblées locales, nous n'aurons jamais, lui et moi, les moyens d'affranchir et d'émanciper le paysan algérien. Et toute la question est là. Quant à la métropole, j'estime que ces droits sont sauvegardés du fait que lorsque nous, mes amis et moi, nous demandons le respect de la personnalité algérienne, nous le demandons dans une unité. Nous avons besoin non seulement des capitaux de la France, mais de ses techniciens, de sa culture. Car si nous entendons développer la personnalité algérienne, nous l'entendons sous le plan de la culture moderne. Nous n'entendons pas revenir en arrière, au temps de 1830. Albert Camus. Eh bien, ça me paraît une affirmation catégorique. Enfin, je veux dire, pour nous tous, et je crois qu'il importe de la souligner. Mais, en même temps, puisque nous assistons à ce genre d'affirmation, nous devrions peut-être, nous, Français, essayer de nous dire que nous avons avantage à considérer la civilisation arabe autrement que beaucoup de Français la considèrent. Je veux dire, non pas avec le sentiment qu'il s'agit d'une civilisation inférieure, mais d'une civilisation qui a ses bases, ses racines, et que nous devons peut-être apprendre à respecter sur un certain nombre de plans. En ce qui concerne la personnalité algérienne, j'avoue que, bien que je me sois intéressé depuis longtemps à ces questions, je ne me suis pas encore fait une opinion. J'aurais donc tort d'affirmer quelque chose de précis. Mais, enfin, pour dire toute ma pensée, ce problème algérien qui était si important pour moi, me paraît maintenant s'inscrire dans un problème beaucoup plus général. Je veux dire que le malaise politique algérien, pour moi, vient de la paresse de la pensée politique de la métropole. Nous sommes toujours de 20 ans en retard sur la situation politique réelle, et ça n'est pas spécial à la France, c'est vrai pour toutes les nations. Il semble que les situations politiques vont comme les avions, très vite, tandis que la pensée va avec la lenteur de sa maturité personnelle et n'arrive pas à rejoindre les situations. C'est ainsi que nous nous fixons, par exemple, sur le problème franco-allemand, comme nous nous fixons sur le problème franco-algérien, alors que le problème, tout le monde sait, est le problème russo-américain. Mais le problème russo-américain, et là nous revenons à l'Algérie, va être dépassé lui-même avant très peu, ça ne sera plus un choc d'empire, nous assisterons à un choc de civilisation, et nous voyons dans le monde entier les civilisations colonisées surgir peu à peu et se dresser contre les civilisations colonisatrices. Peut-être que la France, avec son génie particulier, auquel je crois pour ma part, aurait avantage à placer le problème dans cette perspective et être la première nation blanche qui pose le problème réellement sur le plan où il doit être posé, c'est-à-dire en essayant de devancer l'histoire plutôt que d'être continuellement à sa remorque. Quand le 19 janvier 1946, au théâtre Mahiedine de la Casbah, un jeune musulman d'une quinzaine d'années qui serait par la suite tué au combat se leva pour déclarer que la violence des Arabes était justifiée par leur lutte de libération, Camus répondit sèchement que la fin ne justifiait pas les moyens et qu'il ne pouvait approuver les crimes d'aucun côté. Malheureusement, la réunion du 22 janvier 1956, que Robles avait organisée en faveur d'un appel à la trêve civile, fut utilisée par le FLN qui, tout en noyautant le comité pour la trêve civile, spéculait en même temps sur l'échec de l'initiative et la justification en conséquence du recours à la violence. Le dimanche 22, jour de la réunion, Camus, tel un boxeur qui met ses gants dans la glace, dit à un ami qu'il parlera à n'importe quel prix. Ces Algérois à la tête chaude qui voudraient me faire reculer, qu'ils sachent que je suis moi-même Algérois, avec une tête aussi chaude que la leur, dit-il. Mais pendant le discours, Camus voyait de sa fenêtre les Français en bas qui faisaient parfois le salut nazi en hurlant Camus au poteau, tandis qu'à l'intérieur, le FLN ne demandait qu'à en découdre. C'est à ces risques et périls qu'on s'interpose entre les gens qui veulent se battre. Le texte de soutien en faveur de l'appel à la trêve eut à peine le temps de circuler dans l'assistance et ne récolta en tout et pour tout que quelques dizaines de signatures. Le propos de Camus pourtant tenait en peu de choses. Il demandait juste que le mouvement arabe, comme il l'appelait, et les Français déclarent simultanément que la population civile serait respectée et protégée. Je vous propose de revenir maintenant sur cette initiative avec Imoud Brahimi, poète et comédien algérien, au micro de Jules Roy, qui était retourné pour la radio sur les traces d'Albert Camus en 1978. L'idée était juste. L'idée était le rêve d'un philosophe. Mais en tant que réaliste, nous n'y croyons pas beaucoup. Vous voyez ? Pas du tout, vous voulez dire ? Nous ne croyons pas du tout. Nous étions des hommes partisans de la lutte armée. Alors, attendez. Et nous nous associons à un appel à la trêve civile. Pourquoi ? Nous savions que le gouvernement français, et notamment les socialistes, en tant que communiste, je connaissais, je savais, que les socialistes français ne pouvaient pas être des décolonisateurs puisque leur fonction politique était d'administrer les colonies au bénéfice du capitalisme français. Et ça, c'est ma conviction personnelle. Alors, le FLN, nous participions, d'ailleurs à Ben Ramdan lui-même, nous disant « Vous êtes des rêveurs. Comment vous allez participer à un appel à la trêve civile alors qu'il y a les bombes, le napalm, etc. qui tombent ? Comment vous allez croire qu'un appel d'un homme comme Camus pouvait être entendu par les colonisateurs ? Alors on lui a dit « Comme nous avons participé aux amis du théâtre d'expression arabe, qui était absolument loin de toute politique favorable à la révolution, mais c'était pour nous qui avions été isolés de nos amis français, qui étaient absolument partis. Pour nous, c'était la possibilité de renouer le contact au profit du FLN. Si vous participez à cette proposition de trêve civile à ce moment-là, c'est, disons le mot, pour avoir une couverture supplémentaire. Non, d'une ce n'est façon, pas une coopération, vous avez... c'était une opération politique. Mm-hmm. Pourquoi ? Il ne faut pas oublier qu'à l'époque où Camus avait lancé le mot d'ordre, l'administration française avait essayé de lancer un mouvement de troisième force chez les intellectuels, qui avait commencé à prendre racine et qui avait même des éléments proches de Ferhat Abbas avait commencé à adhérer. Il considérait que l'action armée était une action qui n'apportait aucune solution et que le mieux c'était de se servir de cette action armée faite par les autres pour essayer d'arriver à un compromis avec le gouvernement français pour améliorer la situation des Algériens. Mais oui. alors, participant à la trêve civile, vous avez l'air de contribuer justement oui, à cette proposition de troisième fois. Apparemment, nous étions, nous, en retard sur les éléments partisans du compromis avec la France. Donc si vous le faites, c'est pour donner le change. Pour le fait, nous donnons le change, mais ce n'est pas pour ça. Puisque nous étions clandestins et absolument inconnus. Moi, j'ai été arrêté 2 fois. Et 2 fois, j'ai passé devant un conseil d'une trentaine de commissaires de police, d'inspecteurs et de directeurs. Et j'ai réussi à tirer mon épingle du jeu et à repartir comme un type absolument étranger aux événements. Le 28 janvier 1956, lorsqu'Albert Camus fait cette conférence au Cercle du Progrès, oui, sous la protection du service d'ordre du FLN, oui, et alors qu'à l'extérieur, il y a des manifestations d'ultra-européens, oui, qui criaient à bas Camus, à mort Camus, à mort Mendès France. Est-ce que d'une certaine façon, il n'a pas été manipulé et dupé? Ponce dit qu'il a été manipulé. En réalité, il n'a pas été du tout manipulé. C'est l'initiative venait de lui. Ce qui fait que c'est nous qui avons profité de la circonstance, non pas pour le manipuler, pour lui dicter une attitude quelconque, mais on a profité de cette situation pour essayer de convaincre les partisans de la trêve civile, c'est-à-dire les partisans d'une guerre moins cruelle. Vous voyez, cet état d'esprit existait non seulement chez les Européens, chez une fraction des Européens, mais il existait également chez des éléments musulmans ennemis de la lutte armée. Alors il fallait, à travers cette expérience de la trêve civile, comme à travers l'expérience des libéraux, de faire la preuve que non seulement l'entente n'était pas possible, et que la cause, c'était une crapule. Aucune communauté n'était plus chère au cœur de Camus que celle des écrivains algériens francophones, parmi lesquels, bien sûr, Mohamed Dib. C'est ce dernier que je vous propose maintenant d'écouter dans des archives de 1972 où il évoque la figure de Camus. Dans le cœur de tout Algérien, Camus est le frère qui s'est exilé lui-même à la suite d'un malentendu, d'un de ces mouvements d'humeur toujours un peu spectaculaires dont les hommes des bords de la Méditerranée sont coutumiers. Mais pour douloureux que soit le malentendu, il n'est qu'un malentendu, pas davantage, et pour regrettable que soit le mouvement d'humeur, il est déjà passé depuis longtemps, rejoignant la somme des exagérations, la dose de théâtralité dont un monde vivant constamment sur la place publique et sous un soleil qui affiche permanent a autant besoin que de l'air qu'il respire. Peut-être faut-il ouvrir ici une parenthèse pour noter en passant ce trait particulier du tempérament algérien qui ne ressent jamais le tragique comme tragique, mais comme la manifestation d'un destin qui demeure extérieur à lui, aussi fort qu'il en pâtisse en tant que victime. Avec Camus, il reste donc l'essentiel qui est la fraternité. Davantage même, dirais-je, la consanguinité. Une consanguinité qui doit être située ici, du côté de la mère, plutôt que du côté du père. Il y aurait beaucoup à dire aussi sur l'image de la mère dans le psychisme de l'homme algérien. Personnellement, je suis disposé à croire que le drame de Camus a été pour une part importante due au fait de se trouver partagé entre cette image et la personne de la mère réelle. Ce n'est pas le lieu d'approfondir ce point de vue. Il mérite cependant examen. Mais je ne suis pas moins disposé à croire aussi que depuis le 4 janvier 1960, Camus est retourné à son vrai lieu d'origine, rendu aux oliviers, aux espaces gorgés de lumière, à la mer, et aux hommes enfin dont on ne saurait le séparer, ni séparer son œuvre, si peu que ce soit, sans le trahir, sans le défigurer. Justement parce qu'il reste toujours vivant pour moi, parce que l'idée d'une mort d'Albert Camus me demeure étrangère, j'éprouve beaucoup de mal à parler de lui. Cela vient d'abord de ma crainte de l'enfermer dans des formules, des définitions, et de le trahir à mon tour, de le fausser dans sa vérité. mais ma véritable appréhension est d'une autre nature. Je redoute d'effaroucher sa présence, dont il me semble que je ne suis séparé que par un de ces empêchements absurdes dont la vie quotidienne est prodigue. Comment, par exemple, restituer avec des mots cette journée passée ensemble à Tipaza, avant que Tipaza ne devienne un rendez-vous de touristes à devise forte? Camus vivait en France depuis plusieurs années déjà. Il était de passage seulement, c'était en plein été, et il était midi. Le soleil avait volatilisé le paysage, et dans cette lumière qui semblait siffler dans le cri infini des cigales, sur ces terres intactes qui s'étaient réservées aux lentisques, aux thyns, aux lauriers, je le vois au cours de notre promenade sans but, qui d'une façon tout à fait naturelle écarte les bras et se met à danser. Il tourne de la sorte un moment sur lui-même. Ce n'est peut-être pas une ivresse dionysiaque qui le transporte ainsi et le jette hors de lui. Néanmoins, un bonheur inexprimable, lui, dans le regard qu'il m'adresse et qui s'étonne, non sans malice, de me voir demeurer simple spectateur. Mais, sans m'empêcher de comprendre son bonheur et de ressentir son étrange émotion, mon éducation, plus soucieuse des formes, m'interdit de suivre son exemple. Je l'ai vu donc célébrer son accord avec les éléments qui lui étaient naturels et avec l'esprit qui les habite. Qu'est-ce à côté de cela, à côté de la force de cette image, à cette minute et en ce lieu, que les discussions que nous avons eues avant et que nous aurons encore après? Je vous propose maintenant d'entendre, pour finir cette matinée d'archives, l'extrait d'une conférence de Camus à l'invitation de l'Algérienne, le 13 novembre 1958, soit un an après l'obtention du prix Nobel. Je passe la parole... Albert Camus. Mesdames, Messieurs, je m'excuse de n'avoir rien préparé et de me livrer à un exercice d'improvisation pour lequel je ne suis pas sûr d'être fait. Mais d'abord, on m'avait invité à boire un verre en compagnie de quelques Algériens. Et naturellement, je suis un peu surpris d'en trouver autant, quoique tout de même, je sois content de voir que les Algériens ont colonisé Paris à leur tour. Je suis aussi un peu empêtré dans ma réponse par l'excès des éloges que le colonel Furnari a bien voulu prononcer, enfin, en ma faveur. Et je voudrais dire simplement, puisque nous sommes entre Algériens et que le fait d'être Algérien est la raison de ma présence ici, je voudrais simplement dire que, personnellement, au long d'une vie où, en somme, les chances ont été plus grandes que les malchances, je veux dire la mienne. L'une des chances principales, l'une de celles que j'ai considérées comme étant la principale, est justement le fait d'être né en Algérie. J'ai eu l'occasion de dire que je n'avais rien écrit qui, de près ou de loin, ne se rattache à cette terre. En l'occurrence, je n'ai exprimé qu'une chose que je sens profondément et depuis longtemps. Je dois à l'Algérie non seulement mes leçons de bonheur, mais, et ce ne sont pas les moindres dans une vie d'homme, je lui dois mes leçons de souffrance et de malheur. Ces leçons sont devenues un peu lourdes depuis quelque temps, mais enfin, elles sont là, il s'agissait de les accepter, et je ne suis pas sûr que dans la terrible tragédie où se trouve plongée notre terre commune, il n'y ait pas non seulement une raison d'espérer, mais peut-être aussi pour nous tous, Arabes et Français, une raison de progresser dans une démarche commune vers ce qu'on peut appeler la vérité. En tout cas, l'une des choses dont je suis fier, je ne suis pas fier de beaucoup de choses, et particulièrement, je ne suis pas fier de tout ce dont, par exemple, le colonel Furnari veut bien être fier pour moi. Mais l'une des choses dont je suis fier, en tant qu'écrivain, et en tant qu'écrivain algérien, et ce n'est pas mon ami Odizio qui me contredira puisqu'il a été l'inspirateur de ce mouvement, l'une des choses donc dont je suis le plus fier, c'est que nous autres écrivains algériens, nous avons fait notre devoir. Et nous l'avons fait depuis longtemps. Ce que je veux dire de plus précis, c'est que Nous sommes beaucoup à espérer ce qu'on appelle maintenant l'Algérie de demain. Je ne sais pas si cette Algérie se fera, je ne sais pas non plus dans quelles conditions elle se fera, je ne sais pas non plus ce qu'elle nous coûtera encore en sang et en malheur. Mais ce que je puis dire, c'est que cette Algérie de demain, nous autres écrivains algériens, nous l'avons faite hier. Je veux dire que nous avons été une école d'écrivains algériens. Que cette école d'écrivains algériens, et quand je dis école, je ne veux pas dire un groupe d'hommes obéissant à des doctrines, des règles, je veux dire simplement un groupe d'hommes exprimant une certaine force de vie, une certaine terre, une certaine manière d'aborder les hommes. Et nous avons donc été une école où il y avait, à mon avis, et je parle en termes de talent, autant de noms arabes que de noms français. Odizio l'a déjà dit mieux que moi, mais enfin, je le répéterai après lui, avec toute la force dont je suis capable. Finalement, une terre qui a produit des hommes qui s'appelaient Roy, Robles, Odizio d'un côté, et de l'autre côté, Mamri, Feraoun, Dib et un certain nombre d'autres, qui a permis à ces écrivains de s'exprimer en même temps, dans la même langue et dans la liberté. Cette terre, car finalement, soyons justes, ce ne sont pas les institutions qui ont permis ça. C'est simplement le travail que nous avons fait tous en commun et surtout la manière dont nous nous sommes abordés les uns les autres. Eh bien, cette école a donné, à mon sens, un bon exemple, un beau modèle de ce que pourrait être l'Algérie de demain. Voilà, personnellement, ce dont je suis le plus fier. Les honneurs qui pleuvent quelquefois sur nos têtes, un petit peu comme les orages, et c'est-à-dire qu'ils vous arrivent et qu'on essaie de les recevoir avec simplicité, ce qui est une manière de s'engarrer, ces honneurs-là n'ont pas beaucoup d'importance à mon sens. Et parlant à des Algériens, je ne les étonnerai pas en disant ça. Nous mettons beaucoup plus haut des vertus beaucoup plus simples, qui sont des vertus de courage, de fidélité, de ténacité, d'obstination. Ces vertus-là, nous les avons exercées à l'intérieur de ce groupe d'écrivains nord-africains, et lorsque je ferai, ou lorsqu'il m'arrivera le plus tard possible de faire un bilan de mon effort et de ma vie, je penserai que cette collaboration, cette création d'une littérature nord-africaine que nous avons faite à plusieurs avec une fraternité totale, comptera parmi les choses positives de ma vie et de mon effort. C'est un peu ça que j'ai conscience de représenter parmi vous, beaucoup plus que, je dois dire, la littérature internationale. Et je vous demande simplement, bien que parfois l'Algérie n'ait pas toujours été d'accord avec mes thèses, et même, je crois me souvenir que quelques-unes des phrases que le colonel Furnaru a lues tout à l'heure et que je resignerai encore aujourd'hui, n'ont pas été accueillies avec autant de bienveillance qu'il aurait fallu, vu ce qu'elle disait, n'est-ce pas? Mais quoi qu'il en soit, quel que soit l'accueil ou ce qu'on peut penser de mon attitude, de mes erreurs, car j'en ai faites et j'en ferai encore, je voudrais simplement que vous me receviez à l'algérienne, directement et loyalement, comme un représentant de ce que sera cette Algérie que nous avons essayé de préfigurer dans notre littérature. Voilà, fin des archives pour aujourd'hui. Mais dans quelques instants, pour la suite de cette matinée, je vous propose d'entendre le témoignage de Jean Daniel, directeur du Nouvel Observateur, grand journaliste, acteur et témoin de son temps, qui fut aussi l'ami, le collègue du philosophe et le témoin loyal des engagements d'Albert Camus. Quelle ville contient à la fois toutes ces richesses offertes à longueur d'année? La mer, le soleil, le sable chaud, les géraniums, les bois d'oliviers et d'eucalyptus, on touche le bonheur. Je ne pourrai jamais vivre en dehors d'Alger. Je voyagerai quand je veux connaître le monde, mais j'en ai la conviction. Ailleurs, je serai toujours en exil. Dans une page assez savoureuse du journal de bord qu'il intitule « La blessure », Jean Daniel s'attarde sur les rapports des intellectuels français avec le monde arabe. Malraux, dit-il, ne s'y intéressait guère, hormis l'émergence d'un césarisme musulman qui, selon lui, barrait l'histoire pour la faire régresser. Aaron, de son côté, ignore l'existence d'une nation arabe avant qu'elle ne suscite des problèmes de gouvernement dans la métropole. Quant à l'arabe de Sartre, c'est évidemment un arabe un peu abstrait que le donneur de leçons découvre sous le prisme unique de la restitution qu'en donne Frantz Fanon dans son livre « Les damnés de la terre ». Pour Mauriac, enfin, Jean-Daniel affirme que l'arabe, pour ce bordelais, c'était le sarrasin jadis envahisseur. Il n'y a que Camus, en somme, qui échappe à cette méfiance indifférente. Et même si, à l'exception du premier homme, Camus ne décrit dans ses livres les Arabes que de profil, il n'en reste pas moins que l'écrivain français d'Algérie, l'homme déchiré, a toute sa vie défendu non pas seulement la cause des Arabes, mais celle des hommes. C'est lui qui, à 26 ans, dans Alger républicain, proteste contre l'interdiction du parti du peuple algérien de Messali Hadj. La seule façon d'enrayer le nationalisme algérien, c'est de supprimer l'injustice dont il est né, déclare alors Camus prémonitoire. C'est lui aussi qui affirme, au moment des émeutes de Sétif, que c'est la force infime de la justice et elle seule qui doit nous aider à reconquérir l'Algérie et ses habitants. C'est lui qui, quand l'Algérie se fissure, en appelle à une trêve civile entre les peuples. À égale distance des abrutis qui disent de l'Algérie qu'elle est la France comme la Sibérie relève de la Russie et des enragés qui, prisonniers de l'histoire, croient bon de justifier tous les crimes de l'opprimé. C'est cet homme-là donc, trop intelligent pour ne défendre qu'une seule cause, que Jean-Daniel a connu, côtoyé, admiré et désavoué. Au moment de Caliban, quand Albert Camus fit paraître dans la revue de Daniel une série d'articles restés célèbres, intitulés « Ni victime ni bourreau », mais également à l'Express où Camus est entré par l'entremise de Jean-Daniel. Au début de la guerre d'Algérie, enfin, à propos de laquelle Jean-Daniel et Camus se brouillent à distance. « Si douloureuse, écrit Daniel, que fut cette séparation, je n'arrivais pas à me donner tort. Je me croyais dans l'implacable vérité. Il me semblait que j'épousais le cours irréversible des choses et que son rôle à lui était de refuser l'irréversible. Je pensais qu'il servait sa gloire et sa vertu en refusant l'histoire et que je faisais simplement mon métier en tâchant de l'apprivoiser. » C'est de cette rencontre entre deux spectateurs engagés que nous allons parler maintenant avec Jean-Daniel, qui nous fait l'amitié de nous recevoir dans son grand bureau blanc, tapissé de livres et orné de photos, parmi lesquels évidemment le portrait sublime que Cartier-Bresson réalisa de Camus et que vous pouvez voir en couverture de la belle biographie parue au Seuil que Herbert Lotman consacre à l'écrivain. Ce qui est merveilleux avec Camus, c'est que quand on a rencontré, quels que soient les gens à qui on pose la question, à qui on demande de parler de Camus, le seul point commun qu'on retrouve, c'est que c'était un type généreux, formidable, aimable au plus haut point. Il faudrait que je puisse dire le contraire, c'est ça que vous voulez dire. Si j'avais besoin d'entendre le contraire, c'est pas vous que je serais allé voir, et surtout je ne sais pas qui je serais allé voir pour dire du mal de Camus. Non. Oh, c'est-à-dire qu'il y en avait certains ont disparu, qui avaient la dent dure. Il y avait notre ami Bost. Donc ça, c'est un sartrien. Oui, mais c'est pas comme sartrien, c'était comme homme particulièrement. Il avait assez de cette sorte de séduction à triple jeu, parce que parlant à la fois à l'esprit, et au corps et au jeu, comme ça, au jeu, j'ai eu... Bost, je me souviens, avait un jeu de mots, de finir avec Bost, mais il paraît qu'il disait tout le temps le brouillis et la fureur. Oui. Alors, dans la blessure, la première occurrence de Camus dans la blessure, c'est une très belle phrase. Vous dites, vous parlez des uns et des autres, et puis vous dites, et puis il y a Camus, je ne cesse de penser à lui. Et là, vous dites tout, à son allure de voyou princier, à sa quête de volupté et d'absolu, de solitude et de fraternité, à sa solitude dans la gloire. Il n'y a plus rien à dire. Après. Mais voilà, c'est ça, on peut s'arrêter là, non? Oui. Non, mais c'est vrai, tout ça, je le ressens, je contresigne, j'assume. C'est vrai. Mais en même temps, vous parlez d'une quête d'absolu. C'est étrange, non? Le mot absolu, n'est pas à lui. Il a passé sa vie à le dénoncer. Alors, est-ce que dans mon esprit, le mot quête ne corrige-t-il pas celui de l'obtention de l'absolu? Et je le pense. Je pense que, dans les faits, il y avait un côté poursuite du Graal avec l'espérance de ne pas l'atteindre ou avec la conviction. Non, l'idée simple qu'à la fin des fins et après tant de réflexions sur lui, J'ai trouvé, mais elle va vous paraître même simpliste, c'est qu'au fond, il y a une conjonction obsessionnelle du sacré et du bonheur, et du tragique. Du bonheur et du tragique. Il y a certaines pages très frappantes, d'autant plus frappantes évidemment qu'on s'y reconnaît, que certains comme moi s'y reconnaissent, dans lesquelles la nature le met dans des moments extatiques. Des pages oui, du royaume, du premier homme. Du premier homme, et la fin du premier homme, les dernières lignes du premier homme. Et ces fins extatiques, alors la fin du premier homme, c'est plutôt du Chateaubriand. Il y en a d'autres qui sont un petit peu du Saint-Jean de la Croix, païen. Et cette tension vers un bonheur si épanoui, si sensuel, mais en même temps que l'obsession de sa fin se spiritualise, et je trouve, j'ai toujours ça trouvé à la fois, si vous voulez, explicatif, signifiant et en même temps magnifique. C'est vrai, parce qu'après tout, il a été, si j'ose dire, dépassé par des idées et des sensations à l'origine desquelles il est. Mais, et donc c'est un peu fatigant d'entendre parler de la mer, du soleil, de la sensualité. On s'en lasse pas. On s'en lasse pas, mais je veux dire, peut-être qu'il faudrait trouver des formes de phrases ou des places de mots. Mais il ne faut pas oublier que Il y a eu des formations. Et pour moi, je me désole toujours, heureusement, qu'il y a des oublis, qu'on ne fait pas assez attention aux nourritures terrestres, tout simplement, parce qu'il a lu les nourritures terrestres. Il ne va pas s'y référer souvent. Il faut préciser, le livre de Gide. Le livre de Gide. Mais qui a commencé par le décevoir avant de lui plaire. Absolument. Hein. Il a commencé par trouver ça un peu maniéré. Et isolement un peu onaniste. Il trouvait qu'il avait une sorte d'auto-excitation qui le rendait sophistiqué. Ce qui, dans certains thèmes des odes, n'est pas totalement faux, mais c'est une critique tellement a posteriori. Et puis, il y a le livre Les Îles. Si vous mêlez les deux influences, peut-être, a-t-on oublié de le faire, ce serait une chance pour vous et pour moi, si on mêle les deux influences de certaines pages à lire des nourritures terrestres et des îles de son maître Jean Grenier, philosophe. Oui. Et surtout si on relit la préface qu'il a faite à la réédition de ce livre, je parle des îles, dans lequel, à mon avis, Camus fait dire à Grenier encore plus qu'il ne dit. Dans un certain sens, je dirais que dans la préface de Camus, il l'enrichit de ce que Grenier lui apportait sans le savoir, si vous voyez. Mais c'est vrai que, de ce point de vue-là, j'ai trouvé ça très frappant, les îles. Alors, il y ajoute, lui, de manière sempiternelle, je dirais, parce qu'il n'a pas attendu 50 années de commentateur pour le faire, mais il y a un petit livre auquel il se réfère toujours, et qui est le contrepoint à cette exaltation, c'est La douleur d'André Drichaud. André Drichaud, c'est quelqu'un que j'ai connu, mais sur le tard, il était tout le temps, il était alcoolique, il est mort alcoolique. Il avait un talent fou, bon, il est méconnu, surtout maintenant oublié totalement. Il a fait 4 ou 5 livres qui, sur le moment, comptaient. Et à mon avis, devrait le compter encore, mais un petit livre sûr qui s'appelait La douleur, qui était un livre très simplement écrit. Et que Camus avait lu très tôt. Et que Camus avait lu d'extrêmement tôt, c'est un des premiers livres qu'il a lu. Et même, il l'a lu quand il était chez son oncle. Dont Acco, qui va constater, comme vous savez. Oui, qui lui a montré ses premiers livres, en vérité. Il lui a montré ses premiers livres, sa première bibliothèque, puis son premier étonnement. Cet homme qui. On voit très bien une sorte de comment on appelle. Une boucherie, cette boucherie avec des énormes. Comment. Des énormes moutons ou bœufs épinglés, et une bibliothèque juste à côté où il y avait tout ce qu'il y avait de plus sophistiqué à la NRF. Il y avait du Lautréamont. Vous savez qu'il y avait du Lautréamont. Oui, oui, bien, il en parle. Mais d'ailleurs, Camus lui-même était fâché avec Lautréamont. Absolument. Plus tard. Mais il va revenir après dans son dialogue avec André Breton. Mais c'est vrai que là, ça va, il va lire ce petit livre et il dit... Et là, c'est là que j'ai appris des choses simples, qu'il y avait une souffrance, mais qu'on pouvait la vivre avec un certain respect de soi, que ceux qui souffraient ne se dégradaient pas par la souffrance. Il y a une chose qui, pour moi, va me préoccuper de manière personnelle, c'est les rapports avec la souffrance de Camus. Si vous voulez que j'en parle tout de suite. Mais alors, on va y aller, mais je me souviens dans les carnets de Camus, d'un moment où il est à Tizi Ouzou. Et je crois qu'il décrit des collines. Ouais. Et c'est très beau, c'est un passage magnifique, où il décrit des collines au crépuscule. Il décrit ça, c'est cette heure qu'il abomine quand il est à Briançon et qu'il doit finir l'homme révolté et que le ciel est froid et que tout est froid, il déteste la montagne. Mais quand il est à Tizi Ouzou et qu'il voit les collines, là il est émerveillé. Mais en même temps, dans ses carnets, il dit « J'avais la pensée qu'au-delà de ces collines, des gens ne mangeaient pas à leur faim. Oui. » Et cette idée-là, posée, c'est son expression qui est intéressante, je crois, posée comme un interdit sur la beauté du monde. Est-ce qu'il n'y a pas chez Camus à la fois, vous voyez, la conscience d'une douleur qui n'est pas la sienne et qui le prive du bonheur qu'il pourrait vivre ? Il faut y revenir là-dessus, parce que la conscience d'une douleur qui n'est pas la sienne, elle sera celle des siens, à un certain moment, pas jusque-là. Il a connu... À l'époque, c'était les années 30, là. Il a connu la pauvreté, il n'a pas connu la misère extrême à cause de la pension qu'il avait... Parce qu'il était pupille de la nation, que son père était mort à la guerre. Des millions d'yeux, je le savais, avaient contemplé ce paysage florentin, et pour moi, il était comme le premier sourire du ciel. Il me mettait hors de moi au sens profond du terme. Il m'assurait que sans mon amour et ce beau cri de pierre, tout était inutile. Le monde est beau et hors de lui, point de salut. La grande vérité que patiemment il m'enseignait, c'est que l'esprit n'est rien ni le cœur même, et que la pierre chauffée par le soleil ou le cyprès que le ciel découvert agrandit limite le seul univers où avoir raison prend un sens, la nature sans homme. Et ce monde m'annihile. Il me porte jusqu'au bout, il me nie sans colère. Dans ce soir qui tombait sur la campagne florentine, je m'acheminais vers une sagesse où tout était déjà conquis, si des larmes ne m'étaient venues aux yeux, et si le gros sanglot de poésie qui m'emplissait ne m'avait fait oublier la vérité du monde. C'est sur ce balancement qu'il faudrait s'arrêter. Singulier restant, où la spiritualité répudie la morale, où le bonheur naît de l'absence d'espoir, où l'esprit trouve sa raison dans le corps. S'il est vrai que toute vérité porte en elle son amertume, il est aussi vrai que toute négation contient une floraison de oui. Et ce chant d'amour sans espoir qui naît de la contemplation peut aussi figurer la plus efficace des règles d'action. Je voudrais revenir sur deux choses que vous m'inspirez. La première, parce qu'elle est inédite et amusante. Quand j'étais à l'Express, quand nous étions à l'Express, puisque je peux dire nous... Ça a duré 18 mois, vous partagiez le même bureau à l'Express, donc, avec Albert Camus. Il est entré grâce à vous, je le dis pour nos auditeurs. En partie. C'est-à-dire qu'il faut l'honnêteté me conduire à dire que Servan Schreiber rêvait tout haut, sentait assis, puis bon... Et j'ai rendu le rêve possible. Mais un jour, je me souviens que j'avais été voir chez lui Mauriac pour des questions. Au début de l'Express, tout le monde se mêlait de tout. Et j'avais des aptitudes à me mêler de tout, surtout que c'était anonyme. Donc on ne signait pas les articles. Et je commence à parler de romans. J'avais lu des classiques sur le roman. J'avais envie d'en faire l'étalage, probablement. Alors, à un moment donné, il y a Mauriac s'impatiente, et puis parlons de votre Camus. J'ai vu sous votre signature, je ne sais pas, le sentiment de la nature, un peu comme ce qu'on nous enseigne avant, la nature pour Camus, mais il ne la connaît pas. Et il fait cette remarque. Mauriac dit ça ? Oui, parce que je n'ai pas rapporté, je crois, ça. Il me dit, remarquez une chose, qu'il s'agisse du désert, des hauteurs, de la plage, il n'y a jamais un arbre. L'inexistence de l'arbre dans l'œuvre de Camus, intéressez-vous ça ? J'ai oublié de m'y intéresser, bien sûr. Mais c'était étonnant. Parce que pour lui, sans arbre, il n'y a pas de nature, parce que l'arbre, c'est au contraire le produit d'un rapport avec le créateur, celui qui fait fructifier, celui à qui ça demande, enfin, un rapport particulier. Mais il voulait bien montrer, il soulignait avec son génie particulier, Mauriac, intuitif et méchant. Voilà. Il voulait trouver par où le bas blesse. Ben, le bas blessé par l'absence de l'arbre, qui signifiait qu'il y avait un rapport mystique, qui s'excitait lui-même dans des élans qui n'étaient pas sans intérêt, mais que sur ce qu'on appelle la terre, dans la mesure où l'homme la féconde et où elle-même vous enrichit, il y avait une sorte d'absence. Non, Mauriac n'avait pas un compte à régler avec Camus, au moment où il me parle. Il me parle très précisément de ce qui est pour lui le sujet que j'ai cru devoir traiter, à savoir la nature. Et il s'explique sur la nature, ce que c'est pour lui dans les Landes, dans sa Gironde natale, dans sa Guyenne, dans son Bordelais. Dans son Bordelais. Et de savoir ce que ça peut être pour d'autres. Et il nie qu'il puisse y avoir ce qu'on appelle, dans les classiques élémentaires, un sentiment de la nature, tel qu'on l'étudie aux écoliers, chez quelqu'un que seul le vide exalte. Ce qui n'était pas seulement une critique, c'était une redéfinition. Et est-ce que vous partagez ce sentiment ? Parce qu'après tout, Camus, quand il décrit la nature, c'est vrai qu'il y a peu d'arbres. Dans La Peste, il y en a quelques-uns, mais ce sont des arbres citadins. Je partage totalement ce sentiment, et je vous dirais même que vous m'y faites penser, et je vous en suis gré, je partage ce sentiment, parce que c'est vrai, je ne le partage pas en le désapprouvant, je le partage en lui trouvant une explication profonde. Je veux dire, l'idée que l'univers sans limite puisse inspirer le sentiment de la finitude et d'exaltation, c'est un très beau un thème camusien, ça. La recherche du désert, de cette mer que même la pluie mouille, dit-il, en revenant à Alger, ou bien de ces montagnes kabyles qui ne sont bordées que par des crêtes, d'où il aperçoit un ciel nu. L'idée, non, je crois que c'est une idée importante chez lui, qu'il faudrait creuser. Pour revenir à ce que vous me disiez, sur la douleur. Le fait que la douleur, des douleurs qui lui étaient épargné dans la mesure où même vivant dans la misère, enfin une misère relative, il mangeait. L'idée que d'autres puissent ne pas manger, c'est cette expression moi qui me frappe, un interdit sur la beauté du monde. En quoi est-ce qu'on peut être séparé de la beauté du monde par le spectacle de la douleur d'un autre ? C'est l'idée de l'homme déchiré en somme, si vous voulez, oui, qui me frappe. Je me demande si on n'a pas là une première incarnation. On est dans les années 30 hein, quand il éprouve ça et qu'il le décrit. C'est un jeune homme, il a 25 ans. Oui. Et déjà, il est... Oui. Ce qui me gêne dans votre raisonnement, c'est qu'il est plus logique que, selon moi, vécu. Il est cohérent. C'est ce qui aurait dû avoir lieu. C'est ce qui a peut-être eu lieu. Je m'explique. Quand il va écrire de tout cela, il va en effet s'interdire de vivre intensément la beauté du fait de la pensée du mal. Parce qu'au fond, il s'agit du mal, quoi. Il s'agit de cette vertu chrétienne, si j'ose dire, qu'est le mal. Le mot vertu va être important. Augustinien chez Camus. Hein. Augustinien. Eh bien, c'est une idée tout à fait justifiée. Mais en même temps, il y a cette pensée constante de l'alternance. Qu'est-ce que vous voulez dire, Jean-Daniel, par dire alternance? Je veux dire que la simultanéité, la concordance et que vous indiquez et qu'il y aurait entre l'aspiration au bonheur et la conscience coupable devant le malheur me semble plus souvent vécu chez Camus comme une succession que comme une simultanéité. C'est ça l'alternance. Et je trouve qu'il y a des poèmes, le mot n'est pas prononcé, mais où je retrouve, moi, une alternance quasi monterlantienne. Ce n'est pas un nom qui doit vous dire quelque chose à vous. Non, enfin, je veux dire, dans la profondeur, mais il y a un très beau mot de Monterland qui dit « Décidément, j'aurais toujours préféré l'alternance à l'alternative. » Car c'est de lui. Edgar Morin le cite sans savoir que c'est de Monterland. C'est dans un petit livre qui s'appelle « Il y a encore des instants de bonheur », un petit livre qui est consacré à Alger de Monterland. Autrement dit, je crois que quand il est avec son groupe, son fameux groupe de jeunes gens qui sont beaux, intenses, insouciants, assez voyous dans leurs propos et dans leurs rêves même, assez libres dans leur érotisme, à ce moment-là, ils ne pensent qu'à ça. Si Rimbaud finit en Abyssinie sans avoir écrit une seule ligne, ce n'est pas par goût de l'aventure, ni renoncement d'écrivain. C'est parce que c'est comme ça, et qu'à une certaine pointe de la conscience, on finit par admettre ce que nous nous efforçons tous de ne pas comprendre selon notre vocation. On sent bien qu'il s'agit ici d'entreprendre la géographie d'un certain désert, mais ce désert singulier n'est sensible qu'à ceux capables d'y vivre sans jamais tromper leur soif. C'est alors, et alors seulement, qu'il se peuple des eaux vives du bonheur. Un de ces soirs de liberté, l'histoire, alors confirmée ou infirmée, l'histoire raconte qu'il se soit décrit à vous comme un voluptueux puritain. Oui, oui, oui. Et ça, où était le puritanisme du voluptueux? À Montparnasse, enfin bref. C'était l'époque des petits dîners dansants pour intello et qui étaient très agréables. Et les gens, à ce moment-là, aimaient la danse. C'était des danses où on n'était pas loin l'un de l'autre. Et il adorait danser. Et moi aussi. Et il est revenu une fois d'un voyage qu'il avait fait en Amérique latine. Il avait appris toutes les danses de l'Amérique latine et il en était d'une fierté incroyable. Il voulait le montrer. C'était au Brésil surtout. Au Brésil. Et sur le bateau, il n'avait pas cessé, paraît-il. Voilà. Et quand il est revenu, la première soirée que nous avons passée ensemble, il y avait Francine Camus, il y avait Bloch Michel et sa femme, puis il y avait une compagne qui était Marie Cisigny à l'époque, une romancière corse, que je trouve grande. Et. C'est très petit, il y avait deux chansons. Dès que Camus entrait, le petit orchestre jouait longtemps, longtemps, longtemps, lorsque les poètes ont disparu. C'était l'hymne qui saluait son arrivée. Ouais. Et puis ensuite, alors, il y a eu ces danses. Et avec une innocence tout à fait provinciale, je dirais, dont je pense qu'elle était provinciale maintenant, mais que je partageais au point d'en être aveugle à l'époque. Il faisait des démonstrations. Et puis, avec une sorte de manière débridée et retenue. Et en me voyant danser avec une manière encore plus retenue que débridée, il m'a dit, au fond, j'étais tout content d'avoir un point commun avec lui, qu'il veuille bien m'accorder un point commun avec lui. Il m'a dit, au fond, nous sommes tous les deux des voluptueux puritains. C'est-à-dire qu'il y a un moment où... ou du point de vue du corps, auquel on voue un culte, tout n'est tout de même pas permis, en tout cas pas l'exhibition. Vous le décrivez chez Gallimard, entouré d'une cour, mais qui n'en est pas une, enfin. Ouais. C'est-à-dire vous mettez aussitôt un bémol à l'expression. Quand j'ouvre la porte la première fois, il y avait sa secrétaire qui s'appelait Suzanne Labiche à ce moment-là, et il était en train de lui dire, mais mettez-moi ce type à la porte, j'en ai assez. Ça fait trois fois que j'en ai assez. Et il s'agissait, je vais vous le dire, de Jean Dutour. Et curieusement, Jean Dutour, qui à ce moment-là faisait ses premiers pas, il avait eu un grand succès avec un livre qui s'appelait Le Bombeur, qui était interprété au cinéma par Roger Hanin. Et Dudour s'était amouraché, il l'embêtait. Alors il lui a dit, mais, la deuxième personne, je me souviens, parce que Camus était de ceux qui avaient eu dans Pierre, dans la hérité. Il y avait une petite terrasse à l'époque. La deuxième, il l'aimait bien, mais il trouvait qu'il parlait trop lentement, c'était Jacques Lemarchand. Ça, il aimait beaucoup Jacques Lemarchand. Il pensait que Jacques Lemarchand avait fait le plus beau livre du monde sur la jalousie, qui soit qu'il doit s'appeler Isabelle. Et il était en train d'écrire une lettre à un jeune homme qui lui annonçait qu'il allait se suicider après avoir lu Le mythe de Sisyphe. Alors, un inconnu comme moi, jeune inconnu, 10 ans, il n'a pas pu s'empêcher de me lire les premières lignes. Les premières lignes, justement, en disant « J'ai lu tout votre livre et je suis revenu à la première ligne. Il n'y a rien à dire d'autre, vous savez. » Il n'y a qu'un problème philosophique vraiment sérieux, c'est le suicide. Encore faut-il le faire, je vais le faire. Il se demandait comment l'atteindre, comment avoir son adresse, comment l'atteindre, qu'est-ce qu'il fallait lui dire. Là, je l'ai vu dans un état tourmenté. Puis d'un coup, comme si... Ça, c'est très homme de lettres, comme si la trouvaille des mots dans la lettre qu'il venait d'écrire l'avait délivré de toute angoisse. Il s'est mis à s'ouvrir et à se faire connaître, accepter de se faire connaître de moi. C'est là qu'il vous a dit, c'est la dixième cette semaine ? Oui. C'est ça, donc oui. Il recevait plein de lettres de oui. gens. Oui, mais là, il prenait ça au sérieux parce qu'il pensait presque que c'était trop tard, quoi. Le bureau qui était celui de ouais. Camus, qui est donc aujourd'hui celui de Pierre Nora ouais. chez Gallimard, qui est donc au premier étage, ouais. Mon bureau qui est quasiment en face de l'escalier au premier étage, ouais. qui donne donc sur une terrasse. Il paraît, quand vous l'avez rencontré, que Camus s'est vanté un petit peu d'être le seul à posséder une terrasse. Ouais. Vous aviez retrouvé une pointe d'orgueil dans cette voie. Provincial, mais il m'a dit, vous voyez cette terrasse, tout le monde n'en a pas une comme moi. Oui, il avait gardé ce cas. La réussite de Camus était tellement rapide. Il y a eu tellement un côté nouveau riche. C'est moi qui dis nouveau riche, c'est méchant, mais c'est vrai que tout est allé tellement vite. Il rêve très très jeune. Vous l'avez vu rentrer chez Gallimard, il se veut dans les sommaires. Il voit les sommaires et mon nom doit être là. Et il envoie un document qui se passe de main en main de Paulhan à Malraux. Gaston Gallimard, et on le prend. Et alors qu'il était encore algérois à ce moment-là. Ouais. Tout lui paraît naturel dans la reconnaissance de son talent et nouveau dans les signes sociaux qui l'accompagnent. En fait, il est incroyablement conscient de ce qu'on pourrait appeler son génie, en tout cas, du fait qu'il va compter, qu'il compte déjà. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir. Moi, j'étais absolument frappé. En m'identifiant, j'ai dit, comment on pourrait écrire comme ça ? La lettre qu'il écrit à Malraux, mon cher Malraux, fallait le faire. Il avait fait La condition humaine, il avait fait La tentation, enfin, tous les livres. Mon cher Malraux. Et que Malraux lui répond en le tutoyant. Oui, enfin, tout ça est tellement étonnant. L'histoire raconte qu'un jeune critique de cinéma avait... cassé plusieurs verres, une bouteille de whisky, une soirée Jean-Pierre, comme Jean-Pierre ça. Vivet. Jean-Pierre Vivet. Ouais. Et en se plaignant, en disant « Je vais vous parler d'une injustice pire que ouais. celle que nous dénonçons à longueur de colonne. Ouais. Cette injustice est vivante et elle est là devant nous, c'est Camus. » On dirait presque Alcibiade arrivant à la fin du banquet pour dire « Il y en a marre de Socrate. Ouais, » tout à fait. Oui. Oui. Oui. C'est une bonne comparaison en plus. Sauf que, enfin... Oui, oui, c'est bien. Il avait donc quand même autour de lui des gens... Est-ce une cour, c'était un roi. On souligne toujours le caractère courtisan des courtisans. Et soulignons le caractère de la royauté qui les suscite. Le roi ressemblait à Humphrey Bogart et Fernandel à la fois. J'ai dit Humphrey Bogart et Fernandel, mais lui, il a dit Fernandel, Bogart et un acteur japonais. Oui. le sens du message de Camus, c'est véritablement se révolter à l'intérieur pour devenir plus humain, pour devenir et ne pas tomber dans le panneau de la révolte pour une idéologie quelle qu'elle soit, mais au contraire pour se construire à l'intérieur de façon à mieux comprendre ou mieux sentir les autres. Et c'est un point de vue qui a été, comment dirais-je, vivant pendant 10-15 ans et qui ensuite a été détourné et est devenu autre chose, n'est-ce pas ? Parlons de cette série d'articles si fameuse qu'il avait d'abord sortie dans Combat et puis ensuite que vous aviez reprise dans Caliban. Donc on est en 46-47, je crois. 47. C'était fameux, ça s'appelle « Ni victime, ni bourreau ». Et était-ce le premier d'entre eux ? Il y a un papier qui s'appelle « Le siècle de la peur », qui avait valu à l'époque, à Camus, une polémique avec Dastier, Dastier de la Vigerie, et sur le refus qui était le sien, eh bien, d'adhérer à l'un des deux camps. C'est-à-dire qu'au moment de l'arrivée de la guerre froide, Camus prend une position qui est courageuse et difficile dans les colonnes de Caliban. À ma connaissance, vous faites une erreur. En tout cas, il y a d'abord les articles dans Caliban. Il y a mon incitation à lui répondre auprès de Dastier de la Vigerie. Et ensuite, vous avez la réponse à la réponse de la part de Camus. Parce que dans le premier papier de Camus, Camus disait que les hommes qui, comme lui, refusaient à la fois les systèmes russes et américains étaient, je crois que l'expression est de lui, elle est frappante venant de lui, des hommes sans patrie. Et que, à la fois, il refuse de glorifier l'utopie et en même temps, parce qu'il sait que le meurtre continuera, mais il se refuse à le légitimer. Et la réponse de Dastier de la Vigerie est une réponse étrange parce que, enfin, la réponse, l'attaque de Dastier de la Vigerie était de, finalement, d'en faire une sorte de belle âme et il l'invitait à arracher la victime au bourreau. Voilà. Ouais. Et en disant, vous fuyez la politique, vous vous réfugiez dans la morale. C'était le reproche qu'on faisait à Camus, mais c'est pas juste, ça. Si. Si. Ça va devenir de plus en plus juste. Où la distance qu'il va prendre à une politique devenue immorale va lui faire se réfugier dans la morale. Qu'est-ce qu'il a fait à la fin de la guerre d'Algérie ? C'est une attitude disant il n'y a plus que la morale. Alors, à la fin des fins, Dastier a raison sur le plan, si vous voulez, théorique. Mais voilà, là, ça nous mènerait trop loin, parce que pour moi, là, j'ai quelques idées personnelles. J'ai un livre qui va paraître, vous savez, qui est organisé autour de l'idée que le journalisme a servi à Camus de refuge pour une attitude devant l'histoire et devant la mort. Plutôt devant l'histoire et devant la terreur. Vous parlez de refuge. Oui. De refuge, non, je ne sais pas le mot. En tout cas, il n'y a pas de journalisme valable, mais il est indispensable, sauf à s'arrimer à l'obsession d'un affrontement de la terreur et de l'histoire. Vous diriez que Camus avait, dès après la guerre, une position qu'on pourrait appeler une position de surplomb, qui est une expression générale qu'on emploie pour critiquer d'ailleurs l'intellectuel, c'est-à-dire la position d'un homme qui, trop conscient des vérités en présence, peut-être de part et d'autre, refusait de prendre position. Est-ce que Camus était de cette école-là ? Non, il sort d'un combat. Il a écrit les lettres d'un ami allemand. Justement. Il a fait de la résistance. Il sait où est le bien, où il croit savoir où est le bien et le mal. Ça, c'est une autre histoire considérable. Et là, il sait que la politique consiste à mettre la violence au service d'une cause. Donc, tout ça ne le met pas en état de ce que vous appelez de surplomb. Mais c'est pourtant le reproche que Dastier lui fait. Oui, enfin, je veux dire, il est là-dessus, il n'est pas justifié de ce point de vue-là. Ce que je pense, c'est qu'il se passe une chose tout à fait étonnante à la Libération. deux choses. À la libération, d'abord, il y a la conscience qu'après avoir combattu ce qu'on croyait être le mal absolu, qui était le nazisme, c'est-à-dire la destruction, l'extermination d'une race, les hommes s'étaient donné la possibilité d'exterminer leur espèce. Cette considération, dont tout le monde saluera la solitude, l'étrange courage, la préscience chez ces jeunes, le fait que parmi les siens, je vous dirais moi-même, je n'ai pas été... C'est une situation dont on ne louera jamais assez, qui le définit. Un jour, j'ai dit, qu'est-ce que c'est qu'un intellectuel ? Il a réfléchi, s'est exposé, m'a dit, c'est un homme qui lutte contre l'air du temps. Mais l'air du temps, à ce moment-là, il était écrasant. Faire disparaître les Japonais, à ce moment-là, vous savez, quand on pensait que la Terre entière... Enfin, bref. Il était très conscient de cette affaire de bombe atomique. Tout le monde se réjouissait de la fin de la guerre, et lui, tout de suite... Il n'y en a qu'un seul qui philosophiquement l'appuiera, mais plus tard, c'est Jaspers. Avec son petit livre. Mais à ce moment-là, il y a un équilibre à ce vécu, non pas avec le nom, de l'absoluité du mal. À savoir, le nazisme, c'était tout de même le mal que l'on pouvait, avec lequel on pouvait très bien ne faire aucune espèce de compromission. Il n'y avait pas de nuance. Bon, il ne fallait pas employer tous les moyens, il ne fallait pas ressembler au nazisme pour être contre les nazis, etc. Mais enfin, il y avait ça. Arrive une seconde chose. Très oublié, la concomitance, c'est les révélations sur les camps. Déjà, la première chose arrive, qui est la capacité d'exterminer l'espèce humaine. La seconde chose, c'est que même à l'intérieur de l'espèce humaine, pas encore détruite, le mal est de deux côtés. Et que c'est grâce aussi en partie au mal soviétique que nous avons gagné avec Stalingrad la guerre. Ces deux choses sont importantes. Pourquoi ? D'abord parce qu'elles sont importantes à les dire, mais ensuite à cause des témoignages, des gens qu'il reçoit, des gens qu'il va recevoir, seul, rue Madame, et qui lui apportent... ça le rend malade. Alors après avoir été malade par les révélations des camps, d'un côté, c'était devenu une plaisanterie. On allait chez lui, on lui disait aujourd'hui c'est qui La gauche ou la droite C'était pas la droite, c'était tout à ce moment-là. Parce que la gauche à ce moment-là était pro-soviétique. Donc la droite comptait pas à ce moment-là, c'était pas les notions. Est-ce que c'est l'horreur soviétique ou bien l'horreur nazie qui comptait le plus. Et à ce moment-là, le problème des rapports avec les communistes, le problème de la critique des témoignages, le retour qu'il va faire dans une lecture qu'il avait faite un peu trop distraitement, sans accuse-t-il, des retouches au retour de Gide. Tout ça joue. Alors ça, je ne sache pas dans toutes mes lectures qu'on ait vu l'importance que j'ai moi vécu de près, c'est-à-dire qu'il vient un moment où alors le politique se relativise tellement que le face-à-face avec l'horreur et avec la terreur prend un aspect dépersonnalisé. Et c'est là que la morale prend le pouvoir, dans la réflexion, vous voulez dire ? C'est le commencement à ce moment-là. C'est là que naît. Alors, il va perdre beaucoup de temps. Perdre, non, parce que ça nous aura valu beaucoup de choses. Les polémiques avec, d'abord l'homme révolté. Avec Sartre. Avec Sartre, les polémiques avec les communistes. Les communistes, d'ailleurs, dans une certaine mesure, le méprisent. C'est assez curieux parce que pendant toute une période, les communistes vont mépriser Aron et Camus de la même manière. Ils comptent pas. Ce sont des gens qui peuvent pas nous faire mal, ce sont pas des nôtres. Et même... Même Sartre. Même Sartre, sauf les que... Les communistes n'ont jamais pensé que Sartre était des leurs. En même temps, ils s'en servaient beaucoup, et puis des gens le respectaient, et puis c'était des publicistes. Mais, si vous voulez, dans un certain sens, il y avait des milieux communistes pour qui Camus était quand même l'homme qui était né dans la misère, qui était né chez les ouvriers, qui avait des respects chez les ouvriers. Camus était dangereux. Donc, il accordait une plus grande importance. Mais, dans le grand débat, par exemple, il y avait quelqu'un Le journal s'appelait L'Action, Pierre Hervé, qui était extrêmement injurieux avec tous les philosophes, tous les jeunes philosophes, qui étaient des marxistes de plus en plus brillants, en attendant. Cette période de l'attente d'Althusser, on l'oublie, ça a été une période très féconde. Il y avait des gens très antovéniens de ce côté-là. L'idée, c'était que, à ce moment-là, à mon avis, commence à se poser le problème de la terreur. Et c'est là que s'élabore quelque chose de très important, qui va aboutir à une notion que l'on ressuscite maintenant, mais qui était ridicule quand il l'a défendue, c'est la fin de l'homme révolté, à savoir la mesure. La mesure camusienne, c'est pas un compromis. Toute l'actualité de Camus, aujourd'hui, c'est de donner du pathétique à la démocratie. C'est de donner de l'intensité au combat contre la terreur. C'est de faire l'éloge intense et lyrique de la relativisation. C'est une période où l'héroïsme doit servir la mesure. Et c'est dans cette tension inconsciemment comprise par les contemporains que des jeunes peuvent trouver un espoir chez Camus, sinon c'est du scoutisme, si on ne trouve pas ça. Cette façon qu'il a, par exemple, de jouer la révolte contre la révolution, on l'a même accusé de conservatisme. Au moment de l'homme révolté, il a même eu une presse favorable qui était une presse d'extrême droite. Les gens y voyaient presque un conservateur, mais c'est le contraire. C'est un homme qui voulait sauvegarder la révolte du péril que lui faisait courir sa transformation en projet politique, non? Oui. Les dangers de récupération de Camus, qui ont toujours une signification, ça a été celle du christianisme, bien sûr. C'est très compréhensible. Ça a été celle... Mauriac l'avait soupçonné de christianisme. Oui, oui. Mais sans espérance, je veux dire. Si j'ose. Il y avait d'autres, comme... ses amis, ses dominicains. Mais ce que je voulais dire, c'est que il y a de ce que vous appelez l'extrême droite, et dans son acception ancienne, celle de l'époque, une dimension révolutionnaire qui ne pouvait pas être récupérée, qui ne pouvait pas récupérer Camus. L'extrême droite n'était pas, comme vous le savez, n'est pas conservatrice. À la rigueur, elle veut... À l'époque, elle veut la restauration, mais elle ne peut pas récupérer, au nom de l'éloge de la réforme, une hostilité à la révolution. Est-ce qu'on ne peut pas éclairer le rapport entre Camus et Sartre avant qu'ils ne se fâchent véritablement, c'est-à-dire avant que Janson ne fasse paraître dans les temps modernes un article très dur contre l'homme révolté et que la rupture soit consommée? Est-ce qu'on ne peut pas éclairer le parallèle entre les deux, qu'on fait bien souvent, dans le fait que Camus, sous les conseils de Grenier, en 35, rentre au Parti communiste pour y recruter principalement des musulmans. C'était ça son cahier des charges. Et se détourne de toute adhésion militante après la guerre, une fois pour toutes, même s'il a quitté le Parti communiste avant la guerre, mais l'idée même d'adhérer ensuite lui semblait saugrenue. Alors que Sartre, lui, c'est l'époque où il rentre effectivement en politique, il monte le Rassemblement démocratique révolutionnaire. Cette différence de réaction face à une époque où le monde se bipolarise, où l'un prend parti et l'autre ne le fait pas, ou se retrouve seul de son camp, est-ce qu'on n'a pas là le point de différence le plus... Oui. Quand Grenier donne ce conseil, là, on a beaucoup gambergé. Grenier, que moi j'ai bien connu, c'était un esprit très esthète et en même temps qui se voulait très intuitif. Il avait cette distance un peu de Lao Tzu. Il a fait un livre sur Lao Tzu à l'égard des choses et du monde, qui lui permettait, croyait-il, d'avoir aussi l'instinct des grands courants. Et il s'est dit en ce moment, dans les grands courants qui passent dans ce siècle, il y a quoi? Bon, mais il y a cette force nouvelle, aujourd'hui il dirait probablement l'islam, cette force naissante, dévastatrice, expansionniste, et préoccupante, hein, comme ça. Et il y avait le communisme. Et le communisme, pour lui, c'était en même temps celui qui avait inspiré la condition humaine pour gagner. Tout ça, c'était un mélange d'intuition cosmologique, de littérature. Et quand il dit à son jeune protégé, à Camus, vous devriez entrer, dans son esprit, c'est il faut avoir fait cette expérience. Et Camus ne le comprend pas comme ça, ce qui m'étonne, parce qu'ils avaient des emplois. Mais moi, j'ai revu Goni après. Et cette explication, je la tiens de lui. C'est-à-dire, quelqu'un, il fallait qu'il y passe. Naturellement pas qu'il y reste. J'ai dit, mais s'il était resté... Non, il fallait qu'il y passe parce qu'il y avait quelque chose dans le siècle dont il fallait avoir été physiquement l'incarnation. Et je lui disais, mais vous, il me dit, moi, je n'ai pas cette force qu'il sentait dans son protégé. Il a, lui, la force qui peut le faire dominer. Mais l'idée de faire de Camus un personnage de la condition humaine n'est pas absente, à la condition que cette condition humaine finisse comme elle a fini, bien sûr. Est-ce que Grenier, c'est une question que je brûlais de vous poser en travaillant sur tout ça, est-ce que Grenier n'a pas joué un rôle dans votre brouille avec Camus au moment de la guerre d'Algérie? Parce que Grenier était sur des positions très Algérie française, quand même, des 56. Quand Camus rentre à l'Express, j'ai contre moi la femme de Camus, que j'aimais beaucoup, mais... Francine, donc. Francine. La sœur, qui s'appelle Christiane. Il y avait aussi André Benichou, qui comptait beaucoup, le père de Pierre Benichou. Et il y avait Jeanne Sicard, qui deviendra chef de cabinet de Pleven, qui était une femme très libérée, émancipée, forte, etc. Puis un petit groupe d'Oranais très libéraux, très pro-algériens dans un certain sens. Tout ça était très libéraux. Très Algérie française, vous voulez dire? Algérie française, mais dans le sens très libéral. Très anticolon, voilà, c'est ça que je voulais dire. Ils étaient pour une justice rendue au peuple algérien. Une justice française aux Algériens. Qui était la position de Camus dès la fin des années 30, quand il parle des émeutes en Kabylie. Absolument. Et ça, il va la garder, il va la viver, il va la théoriser même, le conceptualiser. À ce moment-là, ils sont contre parce qu'ils m'ont lu. Et ils disent, avec justesse, on voit ce type, ces orientations. Camus avait été enthousiaste sur deux articles que j'avais faits. Et puis, il me faisait confiance en général. En général, donc il y avait ça. La position de Grenier est contre, mais elle n'est pas pugnace, elle n'est pas vigoureuse. Elle va le devenir de plus en plus. Pour des raisons très particulières, je ne sais pas si elles sont intéressantes, Jean Grenier, qui était un esprit tout à fait subtil, que j'appréciais, avait fait partie de ce qu'on appelle l'école d'Alexandrie, et de tous ces gens qui, avec Étiamble, et avec une série de poètes, étaient passés par le Caire et Alexandrie pendant une période qui a joué énormément, qui a compté, qui a donné même des poètes, comme ce Foris, comme Salas Étier, Adonis, enfin des gens comme ça. Et puis, il avait beaucoup souffert, disait-il, de tout ce qui s'écrivait contre la France, en France, alors qu'il était à l'étranger, et en particulier en Égypte. Et il disait, ces gens-là, ces intellectuels-là, luttent pour eux, mais ils ne savent pas qu'ils sont en train de détruire notre image. Ils sont en train de défaire là, ce qu'a fait la France. Alors, depuis très tôt, il va se rapprocher de moi, surtout de ma femme de l'époque, et il va me préparer à la rupture. C'est d'ailleurs par lui que moi j'ai appris qu'il y avait eu rupture. Jamais Camus ne m'a dit, de manière extraordinaire, c'est fini entre nous. Vous étiez amis, et vous avez travaillé dans le même bureau. Il paraît même qu'il vous soumettait ses articles. Non, ce que j'ai écrit, et qui est la vérité, c'est que Camus avait deux choses, la nostalgie des salles de rédaction et le goût de l'esprit d'équipe. Alors là, il fallait qu'il y ait un chef. Alors il faisait semblant, après avoir rédigé, en disant, voilà, chef. Et moi, je brisais une virgule pour faire semblant aussi. Mais tout ça était convenu, il n'y avait pas de question. Remarquez que Dans mon métier, j'ai mon expérience, c'est que plus les gens sont grands, plus ils acceptent les corrections. Donc, jamais eu de problème avec Sartre. J'en ai avec d'autres que je ne nommerai pas pour des virgules. Mais, alors, avec Camus, je redoutais, et c'est probablement pour ça que je n'ai pas fait souvent des remarques, je ne me suis pas permis des remarques, parce que je redoutais qu'il puisse prendre pour des corrections d'orientation ce qui, dans mon esprit, pouvait être des inflexions de style. Mais sur la question algérienne, vous n'aviez pas le même point de vue, mais enfin, vous étiez compatible. Camus est rentré à l'Express. Sur la question algérienne, nous avions une vague espérance, mais qui s'incarnait dans une chose précise. Camus préférait parier sur le volontarisme mendécien. Volontarisme est quelque chose de très important parce que c'est ouvert. Ça veut dire dominer la situation. Camus avait deux peurs. Celle des siens, en Algérie, parce qu'il avait une peur intense de leur irresponsabilité, et celle des laxistes parisiens, intello, etc. Il disait, il y a un homme, c'est Mme de France qui domine par son autorité. Qui avait été président du Conseil un an et demi plus tôt, à peu près, hein, pour Yves. Et puis qui avait un certain sens réussi, on croyait. Et alors, l'idée que l'Express était le journal de Mme de France lui inspirait beaucoup de sécurité. Que j'y sois n'a pas dû être étranger. Mais ça n'avait pas pu être déterminant s'il n'avait pas été d'accord. Oui, mais en même temps, c'est vous qui avez convaincu Jean-Jacques Servan-Schreiber de faire paraître un article qui n'avait aucun rapport avec l'actualité. Je ne me souviens plus du sujet de l'article. Grèce, oui. C'était sûr ? Sur les tremblements de terre en Grèce. Sur les tremblements de terre en Grèce. Oui. Donc il a fait passer le papier pour que Camus ensuite rentre à l'Express sous vos conseils. Oui, et il a envoyé un télégramme de félicitations en disant que c'était le papier le plus génial qu'il avait lu là-dessus. Après vous avoir dit à vous, mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il lui prend ? Ouais. Il arrive à l'Express sur une ligne mendéciste, se disant, il faut faire revenir Mendès au pouvoir. Et avec l'idée que, de toute manière, elle est très importante. Elle a été considérée comme nouvelle, alors que pour moi elle était banale. Quand Camus arrive à l'Express, il ne croit pas à l'Algérie française. Je ne sais pas pourquoi les gens l'ignorent. Il ne croit plus à l'Algérie française. Déjà ? En 55, 56 ? Mais il ne croit plus en 47, après Galma, après Sétif. Il ne croit plus. Il dit que ce n'est plus possible les choses. Il va falloir trouver autre chose. Il va falloir trouver autre chose pour essayer de faire coexister ces deux communautés qu'un fleuve de sang irréparable vient d'être. Et il est malade de ça en se disant si on ne le fait pas très très vite. Le pire va arriver. En fait, cet esprit intellectuel va avoir une intuition politique précoce. Il va tout anticiper. Et il sait qu'à partir de ce moment-là, tout va se jouer entre les possibilités d'entendre entre les deux dans une orbite française. Quand il arrive là-dedans, il se demande si c'est pas trop tard. Il dit seul, le volontarisme de Mendès France peut encore faire tenir ces deux. Mais il est fédéraliste. Il est fédéraliste. Et il va développer l'idée que... La trêve civile, etc. Oui. La trêve civile est aussi... La trêve civile, c'est un moyen contre la terreur. C'est pas l'idée essentielle pour lui à ce moment-là. Parce que d'abord, la terreur ne s'est pas encore développée totalement. Mais pour lui, le volontarisme indéciste, c'est de créer le système qui va faire en sorte que l'islam ne confisque pas le droit des Algériens à la réparation. À ce moment-là, les grands intellectuels, c'est assez curieux ça. Aron dit, un spectateur engagé, il dit « Ma grande force, ça aura été de ne rien connaître de l'Algérie. » Et il a tout à fait raison. Et sur Sartre, la grande faiblesse, ça a été de croire qu'il connaissait quelque chose de l'Algérie. Et quant à Camus, lui, il connaissait tout de l'Algérie et il trouvait ça tout impossible. Et il n'avait qu'une seule peur, c'est que l'impossible arrive. Merci Jean-Daniel de cette conversation sur votre ami Albert Camus. Merci aussi de nous avoir permis de diffuser quelques extraits du film que vous lui consacrez. Demain, c'est Michel Bouquet qui nous parlera de son amitié avec Camus. Le même est pourtant un autre, puisque c'est de l'homme de théâtre que nous parlerons, avec un immense acteur qui, avant de jouer sous la direction de Camus, avait notamment interprété le rôle de Scipion dans Caligula et de Stéphane dans Les Justes. Moi, je trouve que le trajet de la vie de Camus en tant que littérateur est impeccable, est magnifique et au-delà même de son œuvre, je trouve que c'est peut-être la chose la plus importante, c'est sa vie. C'est la manière dont il s'est comporté en vie. Thank you.